t'as triché. Tu m'as trahi, j'ai même pas capiché. Oh, t'as voulu m'afficher. Là, tu vas m'obliger, je fais pas le riche. De toute façon, je m'en fiche. J'ai plus ce que tu pensais, je suis figé. Je vais pas changer pour toi, je sais qui je suis. Et des fois, tu me fais le mal. J'ai même plus envie de te parler. Sinon, je me suis séparé, c'est qu'il le fallait. Pourtant, je t'aimais bien. Des fois, tu es fou. N'oublie pas, on a grandi ensemble. On se parle pas du coup. Avant l'école, on se donnait la main. J'arrive plus à savoir où sont mes amis. Ça me calcule plus du pas que j'ai oublié. J'suis mieux seul après, j'dis rien, c'est que mon avis. J'sais même plus à qui me fier. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. Y'a des hauts, y'a des bas, pas besoin d'en faire un débat. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. C'est qu'il le fallait si on se sépare. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. On peut faire retour en arrière. Mon poteau, mon poteau, mon poteau, mon poteau, mon poteau, mon poteau, mon poteau, mon poteau. On me dit que les rumeurs faut pas écouter, car tu finis dégoûté. De toute façon, j'écoute pas les gens. Qui m'a donné seul, je me suis envolé. Je fais quand je promets. Me fais pas de manière, je t'aime mon poteau. Je préférais avant quand je regarde les photos. Je me vais au studio ou sur ma moto. Des fois, je prie, je ferme mes têtes vers le ciel. Je demande pardon si j'ai fait du mal. Heureusement, j'ai pas été attiré par l'oseille. Poteau, je sais ce qu'ils volent. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. Y'a des hauts, y'a des bas, pas besoin d'en faire un débat. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. C'est qu'il le fallait si on se sépare. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. Ne supporte plus tes manières. Mon poteau, mon poteau, mon poteau. On peut faire retour en arrière.